j'étais à la montagne. Mais t'as bonne mine, quand même. Non, oui, c'est la cortisone. Ah, c'est la cortisone. Salut les amis. Salut Charline. Oh, la mine, quelle heure. Oui, mais j'ai travaillé pendant les vacances. Ouais, enfin, tu t'es reposé surtout quand même. Non, j'ai beaucoup lu la presse. Jamais perdre le lien avec l'actu. Charline, c'est pas grave de dire que t'as décroché un peu, ça arrive. Mais je n'ai pas décroché. J'ai pas décroché. Ah, c'est bon, calme-toi. On se lance dans cette saison 2. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on change? Non, mais qu'est-ce qu'on change? Rien. La méthode Hollande. Ah ouais, bah ouais. Non, on a une saison 2, il faut repenser les choses. Mais on n'avait déjà pas pensé la première fois. Oui, alors si, moi j'ai quand même une requête à ce moment-là. Guillaume. Cette année, je voudrais qu'on n'oublie pas de changer le monde. On se l'était dit l'année passée, on avait assez vite dévié de l'objectif. Ouais. Et ça, c'est dommage. Si c'est ça, moi je quitte le projet. Aussi, non, il a raison. Enfin, cette année, du contenu. Oui. Ah, ça, du contenu, j'en ai. Cet été, j'ai relevé tous les articles insolites sur Yahoo. Non. Ça n'est pas du contenu, Alex. Mais c'est aussi du contenu, on va quand même rigoler cette année. Bah, ça, je sais pas. Ah, bah, si, quand même. Bah, Charline, faut qu'on soit drôle après ce qui est arrivé au Guignol. Bah, qu'est-ce qui est arrivé au Guignol? Charline, cet été, il passe en crypté quand même, t'as bien Non, je découvre. Ah, bah, quelqu'un qui a pas décroché, je crois. Mais ça n'a rien à voir. Bah, attends, mais quand même, et si t'as lu la presse cet été, tu peux pas être passé à côté de ça. Elle a décroché. Je n'ai pas décroché. Elle a décroché. J'ai pas décroché. Tout le monde au boulot, allez hop. Ouais, elle a quand même décroché. Can we still do it? Yeah! How can we do it? Right now! Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au scalpel, avec toute la précision que cela demande, et aussi les trois informations qu'on va tailler avec justement plus ou moins de précision jusqu'à 18h. Les héros du Thalys ont été décorés de la Légion d'honneur. La distinction suprême leur a été remise ce matin par François Hollande. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Frangy-en-Bresse, capitale de la rentrée politique et du glamour avec Yanis Varoufakis. qui pose à Arnaud Montebourg cette question. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Standard & Poor's note les entreprises en fonction de la morale catholique. Voilà qui exclut les entreprises qui fabriquent des préservatifs ou les fabricants d'armes nucléaires. Mais les valeurs catho permettent de survaloriser certaines marques déjà très appréciées. Amen. Chaussée au moins. Et je suis accompagnée de celui dont les initiales sont AV pour qu'on puisse saluer tel un empereur de la blague. Avec Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker, quel bonheur de vous retrouver pour cette saison 2 et je vous promets de garder les bases tout en ajoutant des surprises à l'image de ma façon de gérer les femmes, mais surtout à l'image de l'équipe du jour. À 17h20, on attaquera fort avec la surprise, une surprise. L'an dernier, il fut pertinent comme invité, ce qui nous a beaucoup étonné puisque ça arrive assez rarement. On lui a donc proposé de venir nous parler d'actu. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler? Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût? De la Palme d'Or. De la Palme d'Or, formidable. À 17h30, on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Oui. Car son syndicat a fait pression et comment résister au CIMF, la Confédération des intervieweurs de mauvaise foi. Bonjour Guillaume Meurice. Oui, je suis tout seul d'ailleurs dans ce syndicat, ce qui facilite la tâche. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Alors, pour ne pas que le choc du retour des vacances soit trop rude, je me suis rendu hier à Paris-Plage. Tout le monde jette ses déchets depuis tout à l'heure, on voit des feuilles de salade, des sacs plastiques, des bouteilles qui passent. Voilà, ambiance sympa avec plein d'ordures, on aurait même vu Patrick Balkany faire la planche. Et enfin, à 17h40, pour la présenter, je vais citer un passage du roman de notre invité. « Tu choisis toujours des femmes beaucoup trop belles pour toi », lui disaient ses amis. Il n'y pouvait rien si la beauté exerçait sur lui un empire aussi considérable. Il avait essayé de s'éprendre de filles au physique un peu plus quelconque, comme le sien, en vain. Et c'est donc pour ça que j'ai beaucoup de mal, avec Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. Comment allez-vous? Je vais très de bien. De quoi va-t-on parler? Et je vous remercie. Bah, on va parler du livre de notre invité, et pour vous définir, donc, je citerai une phrase de son livre. « Henri vivait dans la hantise de faillir au paraître ». Très bien. Voilà. Et qui c'est cet invité, Charline Valmaker? Moi, j'ai rien compris, mais je crois que c'est une grosse saloperie. Quand même. Eh bien oui, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous Baudouin, roi des Belges, comme nous d'ailleurs, Alex. C'est vrai. Vous publiez votre premier roman, Hygiène de l'assassin, en 92, quand Renault lance un fleuron de l'automobile française, la Twingo, avec mention spéciale à la Twingo Mauve, qui nous a tous marqués. Vous recevez le grand prix du roman de l'Académie française en 99 pour Stupeur et tremblement, quand Caroline de Monaco en est déjà à son troisième mariage avec le tendre et chaleureux Ernst Auguste de Hanovre. Vous décrochez le prix Jean Giono pour Le Fait du Prince en 2008. Il s'est passé plein de trucs que j'ai pas noté parce que des fois à la première on oublie des trucs. Mais en tout cas, on n'a pas oublié notre invité. Je vous laisse le dire, vous êtes... Amélie Nothomb. Oui, bravo. Oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Amélie Nothomb, notre première invitée. Et donc, ce qui nous a permis de lire votre bouquin tranquillement, on a eu tout l'été pour le lire. C'est le seul bouquin qu'on ait lu d'invité. Voilà, donc vous avez bien fait venir la première. Vous publiez Le crime du comte Neuville chez Albin Michel. La noblesse belge désargentée fait l'objet de cet ouvrage. Et tout tourne autour d'une garden party. On rappelle que votre père était diplomate. Votre enfance, et vous dites, c'était la réception ininterrompue. Donc c'est tout un milieu, la noblesse belge et les garden parties, qui vous a forgé, que vous connaissez très bien et que vous décrivez dans ce roman. Oui, je parle d'un monde que je connais très bien. En effet, le monde de l'aristocratie belge, le monde des réceptions. Mon père recevait 1000 personnes par mois. Ça a duré toute mon enfance, toute mon adolescence. Ça me rendait dingue. Et en même temps, j'admirais mes parents parce que mes parents évoluaient au milieu de tout ça avec le plus grand naturel. Ça n'avait pas l'air de les gêner qu'il y ait tout le temps des intrus à la maison. Moi, ça faisait naître en moi un sourd désir de meurtre. Raison pour laquelle je n'invite jamais de gens chez moi, parce que je sais que si je les invitais, là, la tentation serait vraiment trop forte. Alors, sauf que dans le roman, votre héros est désargenté. Il a passé toute son enfance à envier les autres enfants qui, eux, avaient des intérieurs chauffés, dont les sœurs ne mouraient pas de froid. Mais c'est l'enfance de mon père, parce que mon père, le comte Neuville, c'est mon père. Il a vécu son enfance dans un château où le paraître était en effet la seule chose qui comptait, mais il y avait déjà plus d'argent, la famille n'a jamais cessé d'être ruinée. Donc il a positivement crevé de faim et de froid toute son enfance, et tout le monde lui disait « Ah, c'est formidable, vous êtes l'enfant du château, ça doit être génial ». Il disait « Oui, oui, c'est vraiment considérable ». Et je crois que c'est aussi pour ça que quand il a été adulte, il a voulu choisir ce métier qu'il a exilé dans des palaces qui étaient bien chauffés. Vous avez une affection pour cette noblesse, au-delà du rejet que vous avez pu y avoir, parce que ça sent dans le livre. Mais oui, mais écoutez, c'est vrai que je suis très paradoxale par rapport à ce milieu, parce qu'à la fois, il me tue, et à la fois, il me charme. C'est vraiment splendeur et misère. À la fois, ce sont des gens impossibles, qui ont des valeurs vraiment complètement tordues. Vous y allez à ces fêtes quand on vous invite, si c'est pas chez vous? Maintenant, je n'y vais plus. Mais j'y ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence. Je sais comment ça se passe. J'aime énormément mes parents, tout en me demandant qui sont ces drôles de gens. Enfin, j'ai très peu de rapports avec mes parents, mais je les adore. Donc oui, j'ai de la tendresse pour ce milieu. On se disait qu'Alex Vizorek, en ayant lu le livre, est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer quel est ce milieu particulier, la noblesse belge désargentée, parce qu'il y a quand même une différence avec la France, non? C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient coupé la tête de ces gens-là. Voilà, il y a une grande différence, c'est qu'on n'a pas coupé la tête de notre roi. Donc la noblesse chez nous est très surveillée. On ne peut pas usurper un titre de noblesse. Si on a un titre de noblesse, tout le monde sait pourquoi. On sait quand le roi vous l'a donné. Les particules usurpées, ça n'existe pas en Belgique. Moyennant quoi, on a une espèce de droit de surveillance sur vous qui est très paralysant. Donc le paraître est absolument essentiel. Le but du jeu, c'est de continuer à être invité aux réceptions des autres. Pourtant, les réceptions des autres sont absolument mortelles. Mais si vous n'êtes plus invité aux réceptions des autres, c'est la fin du monde. Allez, il y a le château. La baronne, Clara Dupont-Moreau, qui usurpe son titre honteusement, non, qu'on lui coupe la tête. Il me voit comme une baronne, Amélie Nothomb, tout est normal. Amélie Nothomb en est une à présent, depuis le 21 juillet, vous avez été anoblie. Alors ça, c'est un truc de dingue. Je vous jure que le roi des Belges n'était pas au courant de mon livre et que je n'étais pas du tout au courant des intentions du roi des Belges. Mais la coïncidence est extraordinaire. La seule fois de ma vie que j'écris un livre sur l'aristocratie belge, justement, voilà, je deviens une aristocrate belge. C'est dingue. Le château est un personnage presque à part entière dans votre livre. Vous avez tout à fait raison. Il aime follement Henri Neville, ce château. Oui, oui. Et je pensais, moi, en lisant votre livre, au mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Ben, c'est le premier château, en fait, c'est une des rares fois dans un roman où l'action se passe dans le château, qui s'appelle, je crois, le château du Glandier. Dans mon livre, c'est le Pluvier. Oui, je sais, mais c'est le du Glandier dans le mystère de la chambre jaune, oui, voilà, oui, de Gaston Leroux. C'est vrai. Et donc, vous avez voulu en faire un personnage à part entière de ce château. Mais c'est un personnage dans la famille. De toute façon, c'est un personnage, et tout se passe comme si il était infiniment plus important de défendre le château que de défendre ses habitants. Ses habitants peuvent mourir. D'ailleurs, ses habitants meurent. Ça rend les gens très malheureux, mais on ne fait rien pour les sauver. Tandis que si le château s'effondre, c'est la fin des haricots. Eh oui, le château qui survit à ses habitants, c'est un petit peu comme l'Élysée, hein, c'est pareil, c'est le château qui survit à ses habitants. Nous sommes en compagnie d'Amélie Nothomb qui publie « Le crime du comte Neville » chez Albin Michel. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod. Et puis on aura aussi l'occasion, tiens, de reparler de votre anoblissement, Amélie Nothomb, avec le sujet sur la Légion d'honneur tout à l'heure. Allez, en attendant, musique. No, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Where? on était en train de parler de Brol avec Amélie Nothomb, évidemment. Et les Français sur ce plateau ne comprennent rien. Juste après un petit Amy Winehouse Rehab, qu'est-ce que c'est qu'un Brol, Amélie Nothomb ? Mais le Brol, c'est intraduisible en français de France, et je tiens en tant qu'académicienne à importer le Brol en France. Ça désigne un amoncellement de choses. Un petit bazar. J'ai laissé chez vous mon Brol. Tout le monde comprend. Oui, voilà, mes affaires, mes trucs, voilà. Ouais. C'est ça, voilà. Donc nous sommes avec Amélie Nothomb. Ça se comprend plus que ça s'explique. Oui, qui ça. Publie Le Crime du comte Neuville chez Albin Michel. Autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, autour de ces trois Belges et trois Français, Hippolyte Girardot, Clara Dupont-Meunaux et Guillaume Meurice, la frange locale. Sachez que les maîtres mots de cette deuxième saison d'Annule Tout sont du contenu et de la nouveauté, n'est-ce pas? Je dirais même de la nouveauté et du contenu. On a donc décidé de muscler l'offre informative de cette émission. Voici le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres de cette édition. Thalys, on s'intéressera de près aux nouvelles déclarations du gentil jeune homme incompris qui voulait simplement divertir une rame de train. Politique, on parlera de la venue de Yanis Varoufakis qui, après la Grèce, s'attaque à la relance d'une autre cause perdue, Arnaud Montebourg. Enfin, des enfants qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances ont rencontré Manuel Valls à Matignon. Réflexion dans ce journal sur la double peine pour les mineurs. Et enfin, quelques informations qui n'intéressent qu'Alex Vizorek, mais qui assurent un maximum de clics au site d'info sur Internet. Et on se rend tout de suite devant le siège de la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret où nous attend Guillaume Meurice. Le suspect a-t-il complété sa version des faits ? Oui, en effet, Alex Vizorek, Ayoub El-Khazani a déclaré aux enquêteurs « Je ne comprends pas ce qu'on me reproche, je voulais juste braquer les passagers car je venais de lire Lucky Luke et l'attaque de la diligence ». Merci pour ces précisions, Guillaume, n'hésitez pas à intervenir s'il y a quelque chose de plus constructif encore qui se dit dans les minutes qui viennent. Venons-en au dossier de cette édition. Oui, on a des dossiers cette année, avec la rentrée politique. Une rentrée qui a démarré à Frangy-en-Bresse avec Arnaud Montebourg et Yanis Varoufakis lors de la fête de la rose. En effet, une fête de la rose déclinée aussi à droite avec la fête de la violette. Il manque juste une fête de la lavande et on aura toute la gamme héroïque pour faire fumer les chiottes. Et à Frangy, on regarde déjà vers la fête de l'an prochain. Si Aurélie Filippetti a un garçon, la fête de la rose sera rebaptisée la fête du chou. De son côté, Alain Juppé a accordé un entretien au JDD. Oui, il a déclaré « J'aime qu'on m'aime et je souffre quand on me déteste ». Hélène Ségara porte plainte pour plagiat. On interrompt ce journal pour se rendre. Guillaume Meurice est toujours en direct, la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret. Le suspect affine ses déclarations. Oui, tout à fait, Alex Vizorek. Il aurait dit aux enquêteurs en ces termes précis « Franchement les gars, si on peut même plus sortir sa calage dans le train, où va-t-on ? Je reviens vers vous, s'il y a du nouveau. » Merci Guillaume. Passons à présent à la journée organisée par le Secours Populaire pour les oubliés des vacances. Manuel Valls a reçu de nombreux enfants dans les jardins de Matignon. L'occasion pour le Premier ministre de tester sa popularité auprès des jeunes. Et vous savez qui je suis, moi ? Non. Là, c'est pas... Le journaliste. Le journaliste. Et Manuel Valls. Voilà, très bien. C'est vrai que j'aurais dû me présenter d'abord. Vous vous rendez compte, il y en a un qui m'a pris pour un journaliste ? C'est flatteur, non ? Hein ? C'est plutôt flatteur, c'est un compliment. C'est flatteur ? Ouais. Je vous en parlerai. En tout cas, aucun enfant ne l'a pris pour un humoriste. Quelques brèves à présent, Alex. Oui, avec cette étude très sérieuse du Parisien. Selon les chercheurs, travailler trop augmenterait les risques d'AVC. On félicite donc François Rebsamen pour sa prudence. Mais oui, notre futur ancien ministre du Travail qui, en plus de lui-même, a sauvé de nombreux Français de l'AVC en n'inversant pas la courbe. Fonctionnaire toujours avec cette information, moi qui m'a ému cet été, c'était dans le Midi Libre, une enseignante aveugle doit surveiller des épreuves écrites de l'examen du brevet. Vraiment, Najat Vallaud-Belkacem est prêt à tout pour augmenter le taux de réussite scolaire. Et on termine par cette information culturelle. Le groupe One Direction se sépare. Ça n'avait pas dû le prévoir en choisissant leur nom. Bah, ils sont combien ? À 4. Ah ouais, c'est bête parce que le groupe Carrefour s'est déjà pris. Merci de nous avoir suivis. Ah, et... Guillaume nous rappelle. Oui, du nouveau, le présumé innocent a précisé ses intentions. Oula. Il a décidé de porter plainte contre 3 Américains, un Britannique et un Français pour agression, coups et blessures. On devrait en savoir plus dans les heures qui viennent. Peut-être ira-t-il jusqu'à se proposer pour la Légion d'honneur. On attend. Merci Guillaume. Voilà, c'est la fin de cette édition. À demain pour le journal de presque 17h17. Yeah. puisqu'il est 17h26 et que nous sommes toujours en compagnie d'Amélie Nothomb. On va aborder le premier sujet avec vous. Et bien 26, sûr avec... on aborde le premier sujet. L'année commence fort. Et il n'y a même pas Manoukian. Oui, c'est vrai. Mais il y a Hippolyte Girardot et Clara Dupont-Mono avec nous. Premier sujet, les héros du Thalys ont reçu la Légion d'honneur ce matin des mains de François Hollande, qui a livré un magnifique discours. Au nom de la France, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Si les Ricains n'étaient pas là. Depuis vendredi, le monde entier admire votre courage, votre sang-froid. Si les Ricains n'étaient pas là. Votre esprit de responsabilité. Cette solidarité qui vous a permis à main nue, je dis bien à main nue, de maîtriser un individu surarmé et prêt à tout. Si les Ricains n'étaient pas là. Alors, Amélie Nothomb, cette notion de héros, ça parle bien sûr à tout le monde, mais surtout, j'imagine, à une romancière, la notion de héros. Mais la notion de héros décoré, récompensé par la République française, madame, est-ce que ça change quelque chose? Ça ajoute une dimension? Comment vous voyez les choses? Mais oui, et je trouve que, après tout, ce type, il était dans le Thalys, il est monté à Bruxelles, donc le roi des Belges peut faire quelque chose dans cette histoire. C'est prévu. Et puisque le roi des Belges peut anoblir les gens, je propose qu'il fasse de ces quatre personnes des ducs. Enfin, c'est duke en anglais, ça sonne très bien. Donc, il mérite le titre de duc. C'est notre Légion d'honneur à nous. Des deux côtés de la frontière, vous voulez dire, qu'on les honore aussi. Justement, on en parlait, vous avez été décoré en Belgique. donc, vous avez été... Enfin, l'équivalent de la décoration, c'est l'anoblissement chez nous, en Belgique. Vous êtes, on dit, la baronne Amélie Nothomb. Oh, la chance. Vous avez... Comme Annie Cordy. Oui. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, en Belgique, c'est les titres pour tous, quoi. Je trouve ça très bien. La Légion d'honneur, c'est pareil pour nous. Hein. Mais là, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une forme de panache à refuser ou la décoration ou l'anoblissement? Il y a certains qui refusent. Il y a débat. Refuser un cadeau, c'est un peu vachard, quoi. Et puis pour le coup, c'est comme un cadeau, en fait. C'est un cadeau. Vous n'êtes pas un féodé au roi en étant devenu. Non, bien sûr. Le refuser, quelque part, c'est lui accorder trop d'importance. C'est faire son petit Jean-Paul Sartre. Voilà, non, je n'aurai pas votre prix Nobel. Vous iriez chercher le prix Nobel de littérature. Mais bien sûr. Mais de toute façon, on ne refuse pas un cadeau. C'est extrêmement grossier. Et là encore, refuser, c'est accorder trop d'importance à ce qu'on n'accepte pas. Pour revenir sur justement ces gens, ici j'ai l'impression que la Légion d'honneur est venue du peuple, parce qu'elle était demandée par énormément de monde très très vite. Est-ce que c'est peut-être une autre façon de légitimer ce genre de récompense? Mais pourquoi pas? De toute façon, ces quatre types, ils méritaient hautement d'être récompensés. C'est le minimum, on va dire. C'est la moindre des choses. Enfin, vous imaginez, ils étaient au pied levé, ils ont sauvé la vie de combien de gens? Et ils ont fait arrêter un crétin fini, ce qui est pas mal non plus. Oui. Et puis n'oublions pas que jusqu'à présent, la Légion d'honneur souffrait du petit scandale qui avait quand même entaché son prestige, qui était qu'on avait failli la donner à un ancien ministre qui avait participé notamment à toute l'histoire du Mediator. Vous vous rappelez cette histoire? Oui, bien sûr. Donc, c'est Irène Frachon qui a rappelé qu'il travaillait pour les laboratoires servis. Qui avait levé le bouclier et sonné l'alerte. Mais du coup, c'est aussi une façon pour la Légion d'honneur de redorer son blason. Exactement. Jacques Servier l'a eu, la Légion d'honneur. Voilà. Et Mimi Mati, et Gérard Rolle. Et Daniela Lombroso. Et voilà. Puisqu'on parle de terrorisme. Nous aussi, nous alors on enchaîne tout de suite, certainement avec une chronique. Oh la méchanceté, vous n'avez pas changé pendant l'été. Car nous sommes aussi décorés, nous sommes honorés, Amélie Nothomb, d'avoir un chroniqueur de prestige autour de cette table, Hippolyte Girardot. Et parmi nous aujourd'hui, à 17h30, c'est l'heure de votre chronique. Débutant. On sera bienveillants, inquiétez pas. Ouh là là. Non, mais l'autre soir, j'étais à une terrasse en train de dîner avec une copine. Puis à un moment donné, c'est obligatoire, sur une terrasse à Paris, un type arrive avec des fleurs. Et c'est toujours les mêmes. Les mêmes fleurs, oui, mais aussi les mêmes mecs. Le type style que Jacques Audiard a casté pour son film, là, Dipane, qui sort ce mercredi, qui a quand même eu la Palme d'Or. Et d'ailleurs, il l'a fait pour ces types-là qui viennent nous offrir les fleurs, nous vendre des fleurs, et qu'on remarque pas. Donc il l'a fait vraiment pour ces gens-là. Donc bref, le mec me dit une rose pour mademoiselle. Je dis non, sans y penser, je dis non naturellement. Et le type reste là, conduit de sourire. Alors ma copine, derrière, dit non, non, non, merci. Parce que maintenant, la fille aussi, elle, elle dit non. Comme si elle pensait que sa parole à elle était encore plus convaincante que la mienne. Comme si le fait qu'elle dise non, ça c'était sérieux. Comment j'avais dit non comme ça pour pas la gêner, mais sans y penser. Alors qu'elle, elle insistait pour dire non seulement, il va pas prendre votre rose pour moi, mais en plus, moi aussi je dis non pour lui, parce qu'il a pas besoin de ça pour me séduire, parce que ce qu'il veut dire, en gros, elle le dit à lui, mais elle me le dit aussi à moi, qu'elle n'est pas ce genre de fille qui se fait séduire avec une rose. Alors qu'en fait, je pense qu'elle serait hyper d'accord que je lui offre cette rose. Et avec ça, une petite phrase, une phrase qui assure, qui pose le mec, comme un type spirituel, l'Oscar Wilde de la pizzeria. Le mec qui, sûr de lui, en passant, dirait « Il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas satisfaire son désir. L'autre est de le satisfaire. » Même si je comprends rien à la citation. C'est ça qu'elle aimerait. Mais avouez ça. Jamais, jamais, never explain, never complain, ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre, n'est-ce pas? C'est le leitmotiv de la plupart de nos dîners que nous faisons tous ensemble. Bref, le type s'en va et c'est tout. On continue à parler entre les deux, alors que moi je suis sûr qu'en fait, on pense qu'à ça. On pense à cette rose qui s'en va, à ce romantisme qui se barre, à toutes ces conneries qui se passent pas sur les terrasses. Et on fait nos malins à refuser la rose. On est comme des cons. Bref, à ce moment-là, le type revient. Une rose pour mademoiselle? Pas cher la rose, jolie comme la demoiselle, la rose. Mais je le reconnais, c'est le même mec, il a fait le tour de la terrasse. Je suis sûr que je me gourre pas. J'ai dit non, écoutez, c'est bon, je n'ai pas la peine de revenir, on veut pas. Et lui me regarde, très confiant quand j'y repense. Et il me dit, je suis sûr que la demoiselle, elle, elle est d'accord. Elle est très d'accord maintenant, n'est-ce pas? Je regarde ma copine, elle lui sourit. Elle lui sourit, très naturellement. Alors là, je sens une sorte d'alliance objective. Je sens que la situation m'échappe. Et je dis, non, non, c'est pas la peine. Mais il se demande pas, monsieur, votre demoiselle est d'accord. Pourquoi vous dites non à ma rose? Et il la regarde. Et il fait une grimace assez drôle, d'ailleurs, assez marrante, finalement. Et ma copine rigole, ce qui est normal, parce que la grimace est assez marrante. Alors, je sais pas, moi, je lui dis, mais c'est pas parce qu'il a eu la palme d'or avec le film d'Odia qu'on va lui acheter ses roses, non? C'est quand même pas possible. Et j'ai un peu gueulé, comme ça, c'est vrai. Et j'ai senti que la terrasse se taisait, qu'il y avait une sorte. J'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur qu'on me reconnaisse, évidemment. J'ai eu peur qu'Audiard en entende parler, évidemment, on me réengage jamais. Et je ne travaille plus jamais avec lui, donc je ne sais pas quoi faire. Je dis, ok, je prends toutes les roses, je les pose sur la table. À ce moment-là, ma copine s'est levée, est partie avec le mec est parti, et juste avant de partir, il m'a regardé, il dit, hé, moi je l'ai eu, la palme d'or, pas toi. Hippolyte Girardot. J'ai une question, il est bien le film, Hippolyte Girardot? Je ne l'ai pas vu, je pense qu'il est formidable. Vous avez toutes les qualités pour être chroniqueur de notre émission, vous ne travaillez pas en dossier. Et pour tourner dans le prochain film de Thiers, merci Hippolyte Girardot qui nous. Non, merci à vous de m'avoir invité. À sa manière, Denis Pan. Et puis on va parler avec vous et notre invitée Amélie Nothomb, bien sûr, oui. De l'actualité dans Si t'écoutes, j'annule tout. Si t'écoutes, j'annule tout, allons-y. Django Django, Reflection. Stare into a gleaming stone, trying to seek new light. It glistened once, now it's unrefined and cold. Try to live a perfect life, paint a world in gold. Before we realized we were old and so. We'll be right back. bien sûr France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout, qui est back. Qui est back, déjà bien en retard, mais c'est pas grave. Back from Brussels, on avec Amélie Nothomb qui publie Le Crime du Comte Neuville chez Albin Michel. Et Clara Dupont-Mono va nous chroniquer, comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, le livre? Enfin, nous donner son ressenti, ça c'est un mot. Ressenti, c'est un des mots dans votre livre, Amélie Nothomb. Vous dites, je comprends, ce mot ça ne veut rien dire et on l'entend partout dans les journaux. C'est insupportable, les gens n'ont plus de sentiments, les gens n'ont plus de réactions, les gens n'ont plus d'émotions, les gens ont des ressentis, ça me rend dingue. Quand on a oublié de préparer ces questions, on dit, mais quel est votre sentiment sur ce... voilà. Donc on va vous demander votre sentiment sur le reportage de Guillaume Meurice à cette heure-ci. Le sentiment, exactement. Je veux bien, c'est le ressenti qui m'énerve. Le ressenti. Mais écoutez, moi je suis très heureux d'être de retour parmi vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'imagine que oui, si j'en crois vos bronzages indécents. Si Manuel Valls était dans le studio, il dirait que ça manque de white, ça manque de blancos. Heureusement que vous êtes là, Amélie Nothomb, avec votre peau blanche immaculée qui ferait passer Mylène Farmer pour Jacques Seguela. Je plaisante, Amélie, je ne veux pas tomber dans le racisme anti-blanc. Je plaisante aussi, hein, monsieur Seguela, je plaisante. Je ne veux pas tomber dans le racisme anti-orange. Bref, je suis également heureux de retrouver nos auditrices et auditeurs dont certains reprennent le travail aujourd'hui. Pour ne pas que le choc soit trop rude, je voulais les emmener une dernière fois à la plage, plus exactement à Paris Plage. Cette excellente initiative de la mairie de Paris qui s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que quelques privilégiés qui aient accès aux sandwichs au sable à 12 euros et au cancer de la peau. Tous les Parisiens doivent connaître les joies de la plage en été. Et quel succès, mes amis, quel succès. Beaucoup de gens étaient présents pour s'exposer au soleil à moitié à poil en plein Paris. Hein, la quantité de viande à l'étalage n'avait rien à envier au rayon boucherie du Monoprix de Neuilly. Impressionnant. Je suis allé à la rencontre de ces corps luisants. Mi-crème solaire, mi-transpiration. Commençons avec une dame. Ça fait du bien de plus être entassé dans le métro? Bah, ça fait du bien, franchement, oui. Ça fait du bien d'être plutôt entassé sur la plage? Entassé, non, on n'est pas trop entassé, là, ça va quand même, non? Bah, il y a quand même 40 personnes au mètre carré, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a trop... oui, il y a beaucoup de monde. Mais bon, nous, on est venus pour changer d'air. Et oui, pour changer d'air, c'est bien vu. C'est vrai que l'air parisien est connu hein, pour sa pureté. Il est très conseillé aux asthmatiques, notamment. Enfin, aux asthmatiques suicidaires, bien sûr, mais aux asthmatiques quand même. Mais il n'y a pas que l'air à Paris-Plage, il y a aussi de l'eau, évidemment. D'où ma question à ces deux jeunes. Vous allez vous baigner un peu ou pas? Ici? Là, jamais de la vie. Déjà, j'ai trempé mes pieds, je regrette un peu. Ah oui, j'ai l'impression que vos pieds sont encore plus dégueulasses qu'avant. Non, ça va. Non, ça ne va pas du tout, jeune homme. Quand on a les pieds aussi sales que les cheveux de Michel Houellebecq, c'est pas normal. Mais bon, chacun ses problèmes. Continuons la conversation avec son ami. C'est assez dégueulasse, tout le monde jette ses déchets. Depuis tout à l'heure, on voit des feuilles de salade, des sacs plastiques, des bouteilles qui passent. C'est pas très agréable, donc c'est vrai que là, se baigner, non. Mais passer l'après-midi au soleil, ouais, c'est très agréable. Bah oui, évidemment, une bonne après-midi au soleil, regarder des déchets qui flottent, c'est vraiment le top. Mais pas de baignade hein, pour eux. De toute façon, la baignade est interdite, enfin en théorie, parce qu'il y a à Paris-Plage l'opportunité de louer des planches, des pédalos, des kayaks. Donc certaines personnes se retrouvent inévitablement dans l'eau. Et je suis allé voir un certain Bertrand, responsable de la location du matériel. Il y a toujours un danger, mais on est là pour la sécurité, il y a des gilets de sauvetage. Et quelle est l'espérance de vie si on boit la tasse Bah, écoutez, il y en a beaucoup qui ont peur, parce qu'effectivement, par moment, il y a des bouteilles qui flottent, mais globalement, moi, je trouve que ça va en s'améliorant, c'est de mieux en mieux. Et j'espère que d'ici quelques années, on pourra se baigner officiellement dedans. Mais vous seriez capable de boire la tasse, c'est ça la question? Boire la tasse, non, mais j'irai pas à l'hôpital si ça m'arrive, quoi. Bah non, évidemment, puisque tu n'aurais pas le temps, Bertrand. Tu serais mort bien avant. Et je rappelle hein, qu'il est quasiment aussi risqué d'avaler l'eau de la Seine que les conneries de Florian Philippot, hein, donc prenez garde. Avaler plutôt du soda, c'est ce que semblait nous dire ce responsable d'un espace réservé au sport. On représente Coca-Cola, voilà, il y a des animations, il y a 6 ateliers animation sportive pour les parents et pour les enfants et c'est gratuit et c'est à partir de 6 ans. Alors du sport sponsorisé par Coca-Cola, c'est pas un peu paradoxal ça? Bah oui, ça tombe bien, ça veut dire que c'est eux qui font grossir mais après ils font maigrir. Donc c'est tout bénef pour eux. Voilà, il est honnête, ce représentant de Coca-Cola, hein, qui devrait donc pas rester représentant de Coca-Cola très longtemps. Il devrait pas tarder à avoir pas mal de temps libre. Et pourquoi pas pour s'engager dans la protection civile. Et oui, car il faut des gens dévoués pour surveiller tout ce petit monde. J'ai rencontré leur chef. Est-ce qu'à la base, il faut être quand même sérieusement fan d'Alerte à Malibu? C'est préférable, effectivement. Maintenant, tous les profils sont bienvenus. Et surtout, on a un panel d'activités qui est suffisamment large pour que tout le monde en trouve... à sa convenance. Quand même. Il y a des profils comme ceux de Pamela Anderson, par exemple ou... On a quelques Pamela Anderson, mais on n'a pas que ça. Non, alors des Pamela Merson, comme il dit peut-être, mais des Pamela Anderson, on va être honnête, hein, j'en ai pas vu beaucoup dans les équipes de la protection civile. On est plutôt sur un profil à la Louis la Brocante, hein, voyez, à éviter pour le bouche à bouche. Bon, sauf si vous fantasmez sur Victor Lanoux en maillot une pièce, hein, après tout, chacun son truc. Mais ces sauveteurs n'en restent pas moins très efficaces, hein, et bénévoles en plus. Alors vous allez me dire, bon, en même temps, sauveteurs à Paris-Plage, ils doivent pas crouler sous le boulot, les gars. Ils doivent se sentir aussi seuls qu'un vendeur de jambon à Gaza-Plage ou qu'un militant de la décolonisation à Tel Aviv-Plage. Eh bien, détrompez-vous, ils ont du taf et en plus, ils font des rencontres bizarres. Ce matin, on a eu l'Antéchrist dans notre poste de secours. Ah, carrément. Voilà. Une personne qui pensait être un démon et qui est partie en service psychiatrique. Donc ah, donc c'était pas vraiment un vrai antéchrist, en fait. On pense que non. Et ça, vous avez les compétences pour agir sur une personne comme ça? Alors justement, on a cherché l'eau bénite dans le sac de secours, on n'a pas trouvé. Mais voilà, on a transmis notre bilan au SAMU et c'est la police qui l'a pris en charge. Et j'espère qu'elle sera bien soignée. Excusez-moi, je reste... Vous lui dites, on pense que c'est un antéchrist? On pense que non. Il pense que... Il n'est pas sûr. Ah ben sûr. Il ne veut pas se prononcer. Il y a toujours un risque. Hein. Je veux dire, voilà, présomption d'innocence. Enfin, on espère qu'il sera bien soigné. On lui souhaite un bon séjour à l'hôpital psychiatrique, là où devraient d'ailleurs se retrouver les milliers de fous furieux qui prennent plaisir à s'entasser tous les ans en plein cagnard entre un gamin qui hurle à la mort et une nonagénaire qui fait du topless. D'ailleurs, logique, hein, d'y croiser l'antéchrist, parce que la plage en été, c'est vraiment l'enfer. Merci Guillaume Meury. Soyez le ressenti. Ça, c'est du ressenti. Totalement. La noblesse belge de votre livre, elle va à la plage à Knokke-le-Zoute plutôt. Oui, c'est vrai. Enfin, cela dit, la noblesse d'où je viens, elle va carrément pas à la plage. Non. Elle garde le château. Oui. Et le château est loin de la plage. C'est vrai. Nous sommes avec Amélie Nothomb jusqu'à 18h. On va aborder le sujet 2, héros. Il en est encore question, oui. Arnaud Montebourg a invité un héros, celui de la gauche alternative, le leader du combat anti-austérité, Yanis Varoufakis, à la fête de la Rose, hier. Et avec Monsieur Meuble, ils ont sans doute évoqué l'alternative au plan des créanciers. Alors c'est qui a le plan B? Plan B? Quel B? Il nous faut le C, le D, le E, tout l'alphabet. Hey, on fait ce qu'on fait le mieux. On improvise, ok? Moi, je voyais bien Yanis Varoufakis dans Fast and Furious, comme on vient de l'entendre. C'est le numéro 6 pour les spécialistes. Nous avons des références culturelles dans cette émission, notamment grâce à l'équipe qui est derrière nous, on va se défausser. Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet, avec la réalisation de Benjamin Riquet. Varoufakis et Montebourg, voilà deux hommes qui ont quitté la politique, mais qui ont fait l'événement de la rentrée politique. Comme s'il faut avoir été viré pour être entendu. C'est... Oula, vous me faites peur quand même. J'ai pas l'intention de me faire virer des éditions Albin Michel pour me faire... Ça n'a pas été nécessaire. C'est la preuve que ça ne marche que pour les politiques. Donc. Voilà, ne faites pas de politique. Sous quel œil vous voyez Yanis Varoufakis, qu'on nous présente un petit peu comme le Che Guevara de l'Europe moderne? Ça, écoutez, je veux croire, je ne suis pas plus au courant que n'importe qui, mais j'ai l'impression que ces gens sont honnêtes. Donc, ils ont quitté le gouvernement, ils se sont plantés, ça n'a vraiment pas marché du tout. Ce sont des Grecs honnêtes, c'est pas à cause d'eux que la Grèce va si mal. Donc, c'est bravo. C'est pas un héros qu'on pourrait retrouver dans votre univers, mais c'est un héros tel enfin, sa stature, son abnégation en font quelqu'un. Je l'ai pas encore digéré, il faut que je digère oui, un héros pour qu'il apparaisse. Je sais pas combien de temps il faut pour digérer ce monsieur, mais a priori, il m'est plutôt sympathique. C'est un gros morceau. Il n'a pas fait grand-chose, donc un héros, c'est pas quelqu'un qui fait des choses, plutôt. Nous est présenté, Guillaume. Ah, c'est ça, d'accord. On ne vous dit pas tout. Physiquement, Amélie Nothomb, vous le trouvez comment, Yanis? Non, parce que Charline Vanhoenacker, elle cache. Non, ça, c'est le terroriste, Amélie. Vous, Clara Dupont-Mono, alors là... C'est Euclide. Ah oui, c'est Euclide. Quelqu'un qui s'appelle Euclide, c'est respect. Ça fait un peu le Bruce Willis grec. Non, c'est pas moi. Ah, mais tout est dit. Ce qui est amusant, c'est que le nouveau ministre des Finances grec qui s'appelle Euclide, ça typiquement un prénom pour vos romans. Il s'appelle Euclide, vraiment. C'est typiquement un nom pour vos romans, ça, Amélie Nothomb. Oui, dans un espace euclidien, tout devient possible. Voilà, mais pourquoi pas. Allez, c'est le moment de parler de votre ouvrage, Clara Dupont-Mono. Charline, votre chronique, vous l'avez consacrée au roman de notre invité. Ah bien oui, parce que l'actualité, c'est votre roman, donc Amélie Nothomb. Alors c'est un peu comme les lys, c'est-à-dire qu'on a une floraison par an. Et en 2015, c'est donc le crime du comte Neuville. Et ce livre a un petit parfum de suspense. En gros, Henri Neville est un châtelain ruiné et un jour, une voyante lit dans sa main et lui prédit qu'il tuera quelqu'un lors de sa prochaine... Qu'il tuera un invité. Un invité, lors de sa prochaine garden party. C'est une catastrophe puisque, un, a priori, c'est extrêmement déplacé de tuer un invité. Deux, il ne sait pas qui sera la victime. Alors, dans une de ses nouvelles qui s'appelle « La peur », je ne sais pas si vous la connaissez. Bien sûr. Guy de Maupassant écrit cette phrase, il dit « On a vraiment peur de ce qu'on ne comprend pas ». Eh bien, vous pourriez ajouter « On a vraiment peur de ce qu'on ne connaît pas ». Parce que c'est exactement ça qui se passe dans votre livre, c'est que toute votre intrigue, elle repose sur un point d'interrogation. On ne sait pas qui est le coupable, mais par contre, la question c'est qui sera la victime. Oui. C'est-à-dire que c'est un roman policier à l'envers. Oui. On cherche la victime et non pas le coupable. C'est exactement ça. Et le personnage principal de votre roman, on a parlé du château tout à l'heure, mais c'est aussi l'incertitude, oui, avec un grand I. C'est, oui, elle, la maîtresse d'âme de toute cette intrigue. C'est là où vous avez un illustre prédécesseur, Amélie Nothomb, qui s'appelle Steven Spielberg. Parce qu'en 1971, Spielberg, il a fait son premier film pour la télévision, qui s'appelle Duel. Voyez-le, vous allez adorer. Parce qu'il réussit l'exploit de filmer un camion qui pourchasse une voiture sans qu'on sache jamais pourquoi. C'est horriblement angoissant. En plus, on ne voit jamais la figure du conducteur du camion. Et surtout, le ressort, c'est l'incertitude, puisqu'on ne sait pas pourquoi ce camion poursuit un pauvre voyageur de commerce qui est complètement affolé au volant de sa voiture. Donc, vous, Amélie Nothomb, vous ménagez un peu plus le lecteur, quand même, mais c'est quand même la même mécanique. C'est-à-dire que vous faites un parallèle entre le lecteur-spectateur et le personnage principal. Les deux ne savent pas. C'est bien ça, arrêtez-moi si je me trompe. On ne sait pas. Oui, si elle dit des conneries, vous nous le dites. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Ah, mais attendez, vous allez voir, parce que Henri, il a une petite chose quand même, qui le fait sentir moins seul. Il a un petit point d'ancrage. C'est un roman. C'est un petit roman d'Oscar Wilde qui s'appelle Le crime de Lord Arthur Saville. Vous le citez donc. Et comme par hasard, c'est l'histoire d'un homme à qui une voyante prédit qu'il tuera quelqu'un. Et là aussi, c'était pas du tout dans ses projets. Vous mettez donc un livre dans un livre, jolie mise en abîme, petite farceuse, mais, d'accord pour la mécanique à la Duel, d'accord pour le clin d'œil à Oscar Wilde. En attendant, il y a quand même votre patte. Et votre patte, c'est un humour que vous avez mis à la sauce aristocrate, ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est un peu l'esprit quand même de cette émission. Vous rencontrez, voilà. Vous vos personnages s'appellent, on parlait des prénoms tout à l'heure, ils s'appellent Cléophas de Thuinen, la famille Carton 13 ou le prince de Retorse-Carros. Vous avez cette onctuosité des prénoms. Clara Dupont-Mono, c'est le moment de dire comment s'appelle votre chat. Guenièvre. Voilà. Oh, mais oui, c'est normal. Mais bien sûr. Magnifique. J'étais sûre, mais qu'il, oui, y aurait des atomes crochus. C'est le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Et le lapin nain, avant, c'était Godefroy de Bouillon. Il a vécu peu de temps. Donc, il était là, belge. Mais... Il était belge, votre non, lapin. Non, même pas. Même pas. Mais vos trois enfants Neville, ils s'appellent Oreste, Electre et Sérieuse. Le grand-père, comment il s'appelle? Il s'appelle Aucassin, de la fable médiévale Aucassin et Nicolette. En gros, bah pour, oui, les ignares qui sont autour de cette table, oui, c'est Roméo et Juliette qui se terminent bien. Voilà, c'est ça finalement. Voilà. Et quand la conversation devient trop pesante, que dit la maîtresse de maison? Elle Venise s'enfonce. Venise s'enfonce, s'exclame la maîtresse de maison. Mais voilà, et c'est un code pour tout le monde. Donc vous multipliez les petites saillies drôlatiques dont nous sommes ici évidemment tous friands. Parce que vous êtes tendre avec vos châtelains, Amélie Nothomb, c'est que notre Henri Neville... Pourquoi il adore organiser sa garden party? Mais parce qu'il adore recevoir. C'est la chose qu'il fait le mieux au monde. Il met des fleurs, il met de la musique, il a toujours la bonne question, il a une mémoire d'éléphant, il valorise les gens. Vous écrivez, il transformait une simple mondanité en une extravagante féerie où l'espace de quelques heures, on devenait le superbe personnage que pour d'absurdes raisons, on n'était pas au quotidien. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons dans cette émission chaque jour. Guillaume Meurice, il joue les reporters. Vous avez vu, il joue les reporters. Passer le générique, il redevient un petit employé de bureau abonné à votre vidéo. Et c'est ça. Alex, oui, Vizorek, qu'est-ce qu'il fait? Il est gentleman troubadour le temps d'une heure, après quoi il retourne à sa triste condition d'humoriste au salle vide. Et c'est exactement, vous décrivez finalement exactement leur fonctionnement. Et cette émission est notre garden party, puisque nous aussi nous aimons recevoir, vous en êtes la preuve. Donc on peut le dire, nous sommes tous des Henri Neville. Je donne les références du livre, Le crime du comte Neville est paru chez Albin Michel. Alors là, Clara, bravo. Bravo. Et c'est vous, c'est vous qui avez écrit. Alors là, c'est éblouissant. Ah. Je suis, excusez-moi, je suis sur le cul. C'est magnifique. Si je peux dire un truc, magnifique. Ce qui est très difficile, c'est où s'arrêter dans le racontage de l'histoire. Mais justement, le c'est ça qui est magnifique. Je sais que c'est magnifique, c'est que Clara a raconté et en même temps, elle n'a pas dit ce qu'il ne fallait non, pas dire. Non, bien sûr. Toutes les 10 pages, il y a un retournement de situation. Vous avez plein de bravitude. Mais racontage, vous voyez, néologisme, entre guillemets, si j'avais écrit. Non, mais là, franchement, Clara, je vais vous payer. C'est super. Non, on le fait déjà. Justement, ça nous coûte. Justement, en parlant de ça, Clara vient de trouver du boulot. Oui, c'est et c'est pour ça que vous la retrouverez tous les jeudis. Voilà. Un jour par semaine, ce sera The Cherry on the Cake. Elle ne vient qu'une fois par semaine. Et oui, oui. Parce que Clara navigue vers d'autres horizons. Vous savez Et bah, c'est-à-dire qu'on a... Oui, quelqu'un a rapté mon cœur un peu mieux que vous. En même temps, c'était pas très difficile. Faut avec bien de l'argent, avouer, mais j'imagine. On vous retrouvera dans les pages. Clara, vous avez rencontré quelqu'un? Non. Mais... Vous la retrouverez hôtesse d'accueil au MEDEF. Elle a rencontré un titre de presse qui s'appelle Le Parisien Magazine et qui l'a happé. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une couverture ridicule, comme celle de Alain Juppé, eh bien, je n'ai pas encore signé le contrat, soyez gentils. Discuter avec vous. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est la chronique de Clara Dupont-Moretti. Mais vous ne disiez pas du mal du Parisien Magazine toute l'année dernière? Ah, si, bien sûr. On disait que c'était un torchon. Non, bon, je pense qu'on va revoir ce partenariat à la baisse parce que ça va pas être possible. Voilà. Bon, Clara, si vous ne signez pas le contrat, vous pouvez toujours signer avant de me chambrer, soyez sympa. Amélie Nothomb, excellente chroniqueuse. C'était sublime. Là, je suis aux anges. Écoutez, vous pouvez la podcaster, la réécouter ce soir si vous voulez, ou à 3h30 du matin avant d'entamer votre écriture des 4h sur franceinter.fr. Et pendant ce temps, Hippolyte Girardot prenait des notes ou dessinait. Je ne sais pas très bien. Je faisais des dessins. Ah, ça vous inspire des dessins. J'essayais de choper un peu comment les gens étaient. Les silhouettes. Oui, enfin, j'ai du mal. C'est la première fois. Mais vous avez tous les talents. C'est formidable de ne pas avoir. Non, au niveau du racontement, c'est vrai que c'est génial. Ah, on dit pas racontement. Ah, d'accord. Ah, je me suis trompé. C'est l'heure de bravitude. C'est si tu écoutes Janus jusqu'à 18h. Troisième sujet. Avec le fameux triple A, Standard & Poor's, lance un nouvel indice maintenant, après le triple A. Eh bien, c'est l'indice des valeurs catholiques. Le triple A, c'est la taille de... C'est-à-dire qu'un indice peut avoir un triple A. Oui, voilà, c'est oui, ça. Oui, exactement. Ah, donc il y a le fameux triple A instauré par Standard & Poor's. Qui est donné à des entreprises. Voyez, voilà. Et maintenant, il y a un nouvel indice. Voilà. Un nouvel indice, celui si des... vous avez compris, n'hésitez pas à tweeter. J'ai compris. Le nouvel indice des valeurs catholiques. S'il faut choisir une lettre, eh bien, pour ce nouvel indice, je propose le triple Q. Ça me semble logique. Vous irez en enfer, Vanunacker. C'est déjà prévu, j'ai déjà mon ticket. Une notation pour les entreprises qui respectent les principes de la morale catholique. Dieu existe partout, dans la musique, dans la nature, dans les parfums, dans les couleurs. Dieu aime la beauté, Dieu vous aime, il aime vos cheveux, donc il aime le shampoing sans son color ou procédis salicylate de cadmium régénéré. Sans son color, le shampoing qui fait que vos cheveux plaisent à Dieu. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Avec le shampoing de Dieu. Alors, c'est un article. Un article paru. Mais qu'est-ce qu'on se marre avec la croix, hein? C'est rigolo, la croix. Ben oui, c'est paru aujourd'hui dans la croix. Standard & Poor's crée donc un club des 500 entreprises qui respectent les règles édictées par la conférence des évêques des États-Unis. Dieu note l'entreprise, Amélie Nothomb. Ça vous inspire? Mais je suis en train de penser que Albin Michel, mon éditeur, mérite d'être un indice excellent parce qu'il ne publie que des auteurs qui sont candidats à la sainteté. Ah, sans agent chimique, sans agent chimique et tout, et pour des valeurs qui prônent des valeurs d'amour. Mais voilà. Donc, je pense que si Dieu revient, il sera trader. Je ne vois que ça. Le pape François, il a dit qu'il fallait être pauvre. Que c'est une vertu d'être pauvre, je ne comprends plus rien. Mais c'est vous-même qui avez dit Standard & Poor, ça veut dire pauvre. Oui, c'est vous-même qui l'avez dit dans cette émission. Merci de me citer, alors, Charlie. Attention, une notation toutefois qui exclut les sociétés qui font des bénéfices dans les activités liées à la contraception. Donc du Rex, ou à la production de programmes érotiques. Dorsel, Mais c'est honteux. Le débat est lancé. Okay. Elle ne savait pas quoi en penser, ça y est. Elle a un avis. Non, mais attendez, est-ce que je suis la seule à trouver ça ahurissant? Non, on trouve ça rigolo. Mais... Moi, personnellement, je m'en fous. C'est surtout très ridicule. C'est surtout très ridicule. Non, mais imaginez quelqu'un de très très catholique qui voudrait investir en bourse et qui ne sait pas où mettre son argent. C'est destiné aux investisseurs catholiques. Ils ont besoin d'être rassurés, comme les marchés ont besoin d'être rassurés. Et aux administrateurs des patrimoines diocèses. Il y a une finance musulmane parce qu'il y a des règles, donc il y a des banques. Qui, vous avez évité de dire qu'il y a une finance juive pour éviter tout ce qui est blague. C'est un pléonasme, finance juive. Si on pouvait pour cette saison 2 faire plus qu'une émission, ça m'arrangerait beaucoup. Mais juste, Charlie, juste un tout petit mot à l'attention de nos auditeurs éclairés. Mais depuis quand est-ce que finalement les valeurs catholiques rimeraient avec celles du Vatican. Combien connaissons-nous de catholiques qui ne sont pas du tout opposés à la contraception ou à l'avortement? Enfin, c'est quand même réduire aujourd'hui les valeurs catholiques au dogme du Vatican. Or, il n'est pas du tout sûr qu'aujourd'hui le catholicisme rime avec le Vatican. Oui, mais qui décide qu'est-ce qu'est le catholicisme? Alors, c'est Clara Dupont-Monod ou c'est le pape? Bah, en tout cas, moi, je ne fournis pas une notation aux entreprises. Elle nous fait signe d'arrêter, Charles. Voilà. Écoutez, on va conclure parce que c'est l'heure du sketch. Amélie Nothomb, donc. On allait changer le monde, voilà. On allait changer le monde. On donne un rôle, à nos invités. Alors, je vous dis dans quoi vous tombez. Parce qu'en ce moment a lieu la conférence des ambassadeurs. Et cette année, idée géniale de Laurent Fabius, il organise un grand speed dating entre, d'une part, des ambassadeurs de France dans le monde et d'autre part, des entrepreneurs ayant des projets à vocation internationale. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ambiance. Bonjour, je suis ambassadeur de France en Éthiopie. Et vous ? Moi, je commercialise des compléments nutritifs pour perdre rapidement du poids. Ah oui, bah, j'espère pour vous que vous tomberez sur l'ambassadeur des États-Unis. Bonjour, je suis ambassadeur de France en Belgique. Bonjour, je suis vendeur de congélateurs. Ah, c'est intéressant. Et pourquoi la Belgique vous intéresse ? Bah parce qu'il y a Amélie Nothomb. Et alors ? Eh bien, elle écrit chaque année 4 livres. Elle en sort un et en met 3 au congélateur. Évidemment, Amélie Nothomb, c'est exactement la même moyenne que Véronique Courgeot. Bonjour, alors moi je suis spécialisée dans la pose de rail pour les TGV. Ah, formidable ! Donc moi je viens, j'installe tout ça et dans 3 ans on traverse votre pays en moins d'une heure. Ah bah non, comment vous dire ? Vous êtes ambassadeur à quel pays ? Bah au Liechtenstein. Ah ouais, dites-moi, j'espère que je vais avoir de la chance là. Oui, vous souhaiteriez exporter quel genre de produit, monsieur ? Je suis producteur de vin dans le Beaujolais. Ah oui, bah alors c'est ennuyeux parce que je suis ambassadeur de France en Iran. Je n'en peux plus ! C'est la 4e tour du sprint d'éthique, je suis tombé sur l'ambassadeur de France au Maroc, en Algérie, au Pakistan, j'en peux plus! Bonjour, je suis ambassadeur en Belgique. Ah, ça m'intéresse parce que j'ai fait un gros héritage et je viendrais bien m'installer. Mais monsieur, on est là pour les intérêts de la France. Oui, mais... C'est scandaleux ce que vous faites. Oui, mais c'est vraiment un gros héritage. Gros, à quel point? Très gros. Très gros ou très très gros? Très très très gros. Bon, alors, vous venez me voir à Bruxelles, je vous donnerai l'adresse de mon conseiller financier. Oh, c'est gentil, ça est pour l'enveloppe, vous le voulez grosse ou très très grosse? Très très très grosse. Amélie Nothomb, magnifique en actrice aussi, vous savez tout faire Amélie Nothomb. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le crime du comte Neuville chez Albin Michel. Merci, on a passé un moment, c'est passé très très vite et avec délectation, beaucoup comme la lecture de votre livre. Merci infiniment. Merci Hippolyte Girardot, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On va se retrouver demain bien sûr avec Jérôme Deschamps, le mot de la fin, au duo Montebourg-Varoufakis. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu.